Maison, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. L'été est à nos portes. Viens lancer la saison des festivals avec nous dans le décor magique de Tadoussac. Tous les détails sur la 37e édition du Festival de Tadoussac sur notre site web ou via notre application. Cette année, c'est sur 10 jours. Allonge tes vacances. Du 25 juin au 4 juillet, on se voit à Tadou. Le Festival de la chanson de Tadoussac est une présentation de Québécois en collaboration avec Hydro-Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, bien des bonnes choses. Et je suis assez content de vous annoncer qu'on a un spécial d'une heure sur le groupe Chicada, la formation grecque Chicada. Une formation qui est pas très productive parce que seulement 3 disques à son compte, mais quels albums. Et vous allez avoir la chance de les découvrir vers 10h30, 22h30. Et puis, on aura aussi Magenta, de nouveauté Angels and Damned, un disque en concert, en fait, c'est 2 CD, 2 DVD, pour souligner le 20e anniversaire du groupe. C'est un concert qui a été présenté en mai 2019 et c'est un peu comme un survol finalement de la carrière, de la discographie de Magenta. Et puis Marc, qu'est-ce qu'on aura d'autre au menu ce soir? On va débuter avec David Minassian qui fait paraître un nouveau single avec des versions remixées de Masquerade et de Sound of Dreams, 2 extraits d'un album qui va paraître bientôt. Ça va être l'album qui va paraître sous le nom Random Dreams, The Very Best of David Minassian. Alors, de cette pièce, on va entendre la pièce Masquerade. C'est une pièce sur laquelle apparaît Andrew Latimer de Camel, comme c'était le cas là, sur son album original Random Acts of Beauty, paru en 2010 et remasterisé en 2020. Ça sera suivi de la formation Red Bazaar du Royaume-Uni, un extrait d'une nouvelle version de leur album Connections, qui était paru à l'origine en 2008, leur premier album. L'album a été entièrement réenregistré avec le claviériste Peter Jones, qui a joué avec Tiger Moth Tales et Camel, entre autres. Mais comme tu l'annonçais, on y va tout de suite donc avec le nouveau Magenta en spectacle. We'll be right back. Take a look at your future. Take a look at your past. Just the same for your future life. How long can it last? Can I live on my own life? Can he live on his own? mirror in a home. As the words come out, the truth it hits. It's there, I've always known. I've been holding out that love will find a way, hoping that love will come, holding on while the light just fades to break free, to sing, to dance, to laugh, to love, but most of all be me. I've been holding on, but now I've found a way, living my life again. Will I see your face reveal? Thank you. Québec. Ce printemps, on se voit au cinéma. J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants. Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin! On se sentait en sécurité, c'est vraiment formidable. On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé. On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma. Faites comme les films québécois, sortez en salle. Souterrain, le film d'ouverture des Rendez-vous Québec Cinéma, présentement à l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Manger, ça fait du bien. On avait presque 30 ans. On a décidé d'élire domicile sur Saint-Vallier-Ouest. Petit comptoir de charcuterie. On a ouvert un bouchon d'inspiration lyonnaise de pied bleu. Par la suite, le renard et la chouette. Une buvette de quartier. Puis maintenant, dans les meilleurs marchés de la ville de Québec, au nom du roi du boudin. Aujourd'hui, nous tenons à remercier anciens et présents employés. Nous levons notre boudin à vous, chers clients. Merci beaucoup. Hey Marine, le pied bleu, il a quel âge? Ben c'est facile, il a mon âge, il a 10 ans. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. CKRL tient à remercier les partenaires de premier plan du Radioton. Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Fabrique culturelle, Télé-Québec, Caisse de Limoilou, Première Ovation. Merci à nos partenaires d'émissions d'ouverture et de fermeture, la boutique Le Pédalier et le bouchon lyonnais Le Pied Bleu. Merci également à notre porte-parole artistique, Gab Paquet, et à notre porte-parole affaires, Le Pied Bleu. Tel qu'annoncé tantôt, ben c'est notre spécial Cicada. Je le sais tantôt, je rigole un peu parce que je l'ai prononcé. Je me suis rendu compte que j'ai prononcé le nom du groupe à l'italienne, c'est-à-dire Cicada. Et c'est une formation grecque, donc Cicada. Et un spécial d'une heure avec cette formation grecque fondée en 2005 à Athènes. Malheureusement, un groupe pas très productif, un premier album est paru en 2010, A Child in the Mirror. Le second, The Fineness of Miracles, est paru en 2015. Et finalement, c'est le prétexte pour le spécial Harvest, qui est paru il y a tout récemment, donc en 2021. Et puis, ben, ce soir, on va effectuer un survol de ces trois albums en compagnie de Nicolas Nicolopoulos, le multi-instrumentiste du groupe. En fait, la liste des instruments est assez longue. Flûte, clarinette, saxophone, mélotron, synthétiseur, et j'en passe. Donc, c'est Nicolas qui va nous accompagner pendant une heure. Et puis, ben, on va écouter dans un premier temps, on écoute des extraits des deux premiers albums, c'est-à-dire A Child in the Mirror et The Fineness of Miracles, et c'est Nicolas qui va vous les présenter. Des albums, en passant, que je dirais solides d'un bout à l'autre. Un agréable mariage de folk, de prog, un petit peu de psychédélique. On retrouve des influences peut-être un peu de Gentle Giant. Franchement, un groupe qui, je pense... On aurait beaucoup de plaisir, mais j'imagine que fignoler des albums aussi raffinés, ça prend du temps, donc on comprend le pourquoi du peu de production. Mais bon, on se prend à regretter qu'il n'y en ait pas plus, mais sans plus tarder, moi je vous laisse avec Nicolas pour la première partie du spécial Cicada. Hi everybody, I'm Nicolas of Cicada. I'm very happy to be tonight in Terra Incognita. Together with Michelle, we'll take you a little trip into the music of a Greek band. It's my band, and let you feel a little of the magic. So off we go, first record, opening instrumental track, Cicada from 2010's A Child in the Mirror. Isabella is a pale grey-yellow or cream-brown color that is primarily found in animal coat coloring, particularly plumage color in birds and in horses. The first known record of the world was in 1600 as Isabella Color, to describe an item in Elizabeth I of England's wardrobe inventory. Another song out of the first album, Isabella Sunset. The next tune is the final track of our debut LP. It's a trip to the fair and it's called Garden of Delights. The inspiration for this piece of music came from medieval painter's Hieronymus Bosch's famous oil painting. And just after that, we make a leap of 5 years for a night ride, another instrumental. This time it's the opening track of our second long play from 2015, The Finest of Miracles. Of Miracles. Thank you.

One of the first songs written for our latest album, Harvest, was No Man's Land. It describes the horror of the trenches and the battlefields of the Great War, but it's also a song of hope and love. Thank you. Enyanya started out as a repeated mantra, followed by extended improvisation. Later on, it was crystallized and structured as an instrumental trip around this melodic prayer. And Open Wings that follows is a love song with its freeing power, love that gives meaning to life. Both pieces come from 2021's Harvest. Thank you. Loving breast, loving breast. Hey,

correnti e rituali per ascoltare il palpito soffocato del pianeta. Ardente, aquile in volo all'orizzonte. déjà la dernière pièce de l'émission. Alors, c'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous depuis 22 heures pour cette émission de Terra Incognita. On vous invite à visiter notre page web terraincognita.québec où vous pourrez accéder à tous nos podcasts et les contenus de toutes nos émissions. Également, on vous invite à vous abonner à notre page Facebook. Alors, on va terminer avec la formation The Watch. The Watch, une formation qu'on aime bien, qu'on a vue à plusieurs reprises. Ils font paraître leur nouvel album, The Heart of Bleeding, le 24 septembre prochain. Déjà disponible en précommande, et on en aura certainement là des extraits en nouveauté pour vous dans les prochaines semaines, n'est-ce pas Michel? Oui, j'espère bien. C'est un groupe avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, et puis Dieu sait que j'ai collaboré souvent avec ce groupe, et ben c'est ça, on vous tient au courant. Et puis, ben restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants. Les adversaires pour le micro.